Bonsoir et bienvenue à une conférence avec M. Daniel Kemp. Quelques précisions à tenir compte à comparativement à l'année passée. C'est que maintenant, il n'y aura plus de période de questions. Il y aura deux périodes d'une heure de conférence. Et puis aussi, il y a seulement une conférence par mois, toujours le troisième vendredi du mois. Le thème de la conférence ce soir, que nous réserve l'année 1992? Alors, pour commencer l'année, je vais vous expliquer le rôle de l'intervieweur. Jacques Boisvert a comme fonction de me couper la parole de temps en temps, de poser des questions et de s'ajuster à la vibration du public de façon à ce que le discours, à un moment donné, ne déborde pas trop ou complètement la teneur que devrait avoir une conférence publique. Donc, il ne faut pas penser que je peux faire une conférence sans lui, c'est vrai. Il ne faut pas penser non plus qu'il est tannant, c'est vrai. Mais c'est utile. Alors, à nous la parole. À nous la parole. Numérologiquement parlant, que nous réserve l'année 1992? Bonne question. Oui, très bonne question. Ça va avoir une bonne réponse. Numérologiquement parlant, l'année 1992 réserve à tous les numérologues exactement ce qu'ils veulent avoir. C'est comme l'astrologie? C'est comme l'astrologie, c'est comme la majorité des structures qui supportent un peu les besoins, les faiblesses de la psychologie humaine. Donc, ça fait partie des messages illusoires qui sont envoyés par la conscience astrale, par ce qui manipule l'humain. Donc, le futur n'est pas prévisible? Non, le futur n'est pas prévisible. Le futur est prévu. Mais donc, l'humain ne peut pas prévoir le futur. Pourquoi? Parce que l'humain a de la difficulté à regarder un arbre en face sans le trouver beau ou sans le trouver laid. Alors, imagine tout bien le futur. Lorsque l'humain prend la numérologie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les prophéties de Michel de Notre-Dame. Il regarde ce qu'il aimerait avoir et puis il ajuste ce qu'il lit, ce qu'il entend ou ce qu'il calcule en fonction de ses désirs émotifs, en fonction de ses besoins. Et là, il va établir un schéma dans sa conscience qui va être ce que lui appellera l'avenir. Et d'ailleurs, même les astrologues sont les premiers à le dire, les astres inclinent, mais n'obligent pas. Autrement dit, les astrologues, ce qu'ils veulent dire, c'est que ça ne vous sert absolument à rien d'aller vous faire faire une carte du ciel. C'est ce qu'ils veulent dire, les astrologues. Parce que les astres inclinent, mais n'obligent pas. Autrement dit, tout ce qui te plaît, prends-le, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais tout ce qui ne te plaît pas, c'est pas grave. C'est pas nécessaire que ça va arriver. La numérologie, c'est la même chose. Les nombres inclinent, mais n'obligent pas. C'est-à-dire que, prenons 1992, ça donne 3. 3, c'est le résultat, c'est une résultante. Donc, numérologiquement parlant, l'année 1992 devrait être le résultat des années antérieures, numérologiquement parlant. C'est sûr qu'on peut s'amuser un peu, c'est 1 et 3, donc 1, 9 et 92. Donc, 1 et 2. On peut s'amuser un peu. 1 et 2, c'est qu'il y a une partie qui va être extrêmement active dans l'année 92. On pourrait dire les premiers 6 mois, parce que c'est les deux premiers chiffres de l'année. Mais si on serait en l'an 23092, il y aurait 5 chiffres, il faudrait qu'on change. Et puis, la deuxième partie donne 2, qui est le signe même de la passivité, de l'occultisme, de la papesse, de l'individu qui a toutes les clés, mais qui n'est pas capable de s'en servir, qui ne voit rien. Donc, on pourrait dire numérologiquement, pour faire plaisir aux numérologues, que la première partie de 1992 va être extrêmement active, alors que l'homme n'a pas de libre arbitre, et la deuxième partie va être extrêmement passive, mais l'humain n'a pas de conscience pour s'en rendre compte. Donc, 1992 va être une année intéressante. Donc, que nous réserve 1992? Bon, donc numérologiquement... C'est pas prévisible. Non, maintenant, je vais t'expliquer ce qui va arriver. Plusieurs personnes. Mais c'est pas une prédiction. Ça va arriver. Oui, ça c'est quand tu regardes dans les livres d'histoire. Il y a toujours un peu de fluctuation, parce que les historiens s'entendent jamais sur ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, premièrement, donc, ce qu'il faut faire bien attention, c'est que l'être humain s'attend, donc il s'attend, et il attend toujours des choses de chaque nouvelle année. Il me fait penser aux écoliers qui ont hâte d'aller à l'école. Puis deux semaines après, ils ont hâte de finir l'école, puis là, il leur reste 8 mois à faire. Mais ils ont hâte de commencer l'année scolaire, ils ont hâte de voir le 9 qu'il va y avoir. Là, subitement, là, ils voient le 9. C'est pas le prof qu'ils voulaient, c'est la vieille même matière que d'habitude, puis c'est les mêmes affaires. Puis c'est leurs mêmes amis qu'ils détestaient, mais qu'ils avaient hâte de revoir parce qu'ils avaient oublié qu'ils détestaient. Mais là, une fois qu'ils ont passé 2-3 semaines, 1 mois avec, ils sont tannés. Et puis là, ben là, ils ont hâte que l'année finisse ou que les vacances des fêtes arrivent. Puis bon. L'humain est un peu la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs, janvier, c'est le dieu Janus. C'est un dieu à deux faces. Tu regardes en avant, tu regardes en arrière, puis tu essaies de faire en sorte de ne pas trop avoir de neuf dans la nouvelle année, puis d'abandonner un peu le vieux dans l'ancienne. 1992, ce sont des chiffres. À partir de l'an 1, parce qu'il n'y a jamais eu d'an 0 dans le calendrier, on était à l'an moins 1, puis pouf, on était à l'an 1. Donc pour les numérologues, ils doivent savoir que le 21e siècle va commencer le 1er janvier de l'an 2001. Là, ça va faire 2000 ans, parce qu'il n'y a pas eu d'an 0. Bon, donc si on se fie sur les chiffres, on va aller chercher exactement ce que ça nous plaît d'aller chercher émotivement, psychologiquement. Et ça réserve donc des surprises. Alors, ça c'est une grosse chose. L'an 1992 réserve des surprises. Si on parle de surprises, tu as déjà mentionné qu'en 1992, les gens allaient avoir des contacts avec des extraterrestres. Mais j'ai pas mentionné ça, ça se mentionne. Ça se mentionne? Peux-tu en parler de oui. Ce qui se mentionne? Oui, ils sont pas parlés. Il y a des personnes, il y a des extraterrestres à moustache, évidemment, qui se promènent un peu partout au Québec. Mm-hmm. Bon, c'est une chose, c'est très intéressant. Effectivement, dans les années... Bon, premièrement, faut comprendre une chose, c'est que l'année 1992, elle n'a rien à voir. C'est une année comme n'importe quelle autre année. L'humain va en faire quelque chose ou l'humain va rien en faire. 1991 est intéressante, par exemple, pour les Koweïtiens. Parce qu'ils ont pu fraterniser avec toute une nation, avec plusieurs nations, avec une coalition complète. Bon, c'est intéressant. Le monde s'est déplacé pour aller les visiter. Le tourisme n'était pas très, très développé au Koweït. Bon, ça a duré. Le temps que ça a duré, évidemment, les touristes sont pas restés. Il ne restait plus rien à voir. Mais c'est une année intéressante. Sauf que quelqu'un qui décide de prendre les chiffres 1992 pour essayer d'en retirer une substance prophétique, c'est un individu qui est extrêmement spirituel. C'est un individu qui se laisse facilement enguirlander, manipuler, donc qui peut facilement se laisser leurrer par à peu près n'importe quel genre de structure d'illusion, des structures émotives. Et on ne doit pas considérer la conférence de ce soir, par exemple, que nous réserve 1992 en fonction des chiffres 1992. Si on serait en 1963, on ferait la même conférence. Si on serait en 2048, on ferait la même conférence. Bon, autrement dit, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Il se trouve que ce qui va se passer dans les temps à venir, ça donne à être dans une chronologie blanche, 1992. Ça n'a rien à voir avec l'année elle-même. Comme par exemple, on me demande de temps en temps si on est dans l'ère du Verseau. Bon, on est dans l'ère du Verseau depuis le début de l'an 1900, puis on est encore dans l'ère du Poisson jusqu'à la fin de l'an 2013. Pourquoi? Parce que les mutations humaines, les mutations psychologiques, surtout au niveau de l'hémisphère nord de la planète, se font progressivement. C'est comme à 18 ans, vous êtes un adulte. Ça fait penser à un bonhomme qui s'est ramassé en prison parce qu'il avait pris sa douche avec un mineur. Il avait 17 ans, 364 jours. Le lendemain, il avait 18 ans. Il a fallu que le bonhomme attende une journée. Là, c'était dangereux, c'était pas correct, c'était tout un amancheux. C'est un peu la même chose. Souvent, on essaie de couper net à travers les mutations humaines ou encore à travers les incidences cosmiques pour se sentir quelque part. Matériellement, on est dans l'ère du Verseau depuis le début 1900. Vitalement, on l'est depuis 1950. Psychologiquement, astralement, on l'est depuis 1960. Et puis, mentalement, on l'est depuis 1967. Supramentalement, on l'est depuis 1985, entre autres. Et etc., etc. Mais c'est encore là, ce sont des chiffres pour plaire. Donc, est-ce qu'il y aura des contacts extraterrestres en 1992? Ben, il y en a eu à l'époque d'Ézéchiel. Il y en a eu à l'époque des Français, à l'époque de Napoléon, il y en a eu à l'époque des Romains, il y en a eu à l'époque de tout le monde. Donc oui, il y aura des contacts extraterrestres en l'an 1992. Rien n'est impossible. Il va en avoir en Union soviétique, il va en avoir en Argentine, il va en avoir en Espagne, il va en avoir au Québec, il va en avoir un peu partout. Maintenant, la question... Oui. Que tu avais posée... est-ce que ça sera des contacts du 25e type, par exemple? Là, vous allez chez McDonald's avec un extraterrestre. Est-ce que ça sera des contacts seulement du deuxième type, c'est-à-dire vision au sol? On voit des traces au sol. Moi, premier type, quand je disais extraterrestre, je faisais plutôt allusion à une énergie extraterrestre qui amènerait une saveur particulière aux gens qui... Bon, 1992, il se trouve que c'est une année qui se donne à être dans une période où va s'amplifier, disons, les mécaniques qui vont mener l'humain vers ce que l'humain appelle l'apocalypse. C'est pas à cause de l'année. C'est pas à cause que les portes craquent. C'est simplement une étape actuelle au niveau du vécu de l'humanité qui va voir s'amplifier d'une façon assez évidente ce que l'humain appelle l'apocalypse. Mm-hmm. Maintenant, il faut faire un retour. Donc, évidemment, si on parle d'apocalypse, il y aura nécessairement des insertions, des interventions qui seront caractéristiques extraterrestres, d'autres qui seront caractéristiques terrestres, d'autres qui seront caractéristiques intraterrestres et d'autres qui seront caractéristiques terrestres, mais transtemporelles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'un autre temps. Il vient pas de 1992. Tu viens d'un petit peu plus loin. Quand on parle d'apocalypse, on parle de... Le mot apocalypse veut dire révélation, et quand on parle d'apocalypse, on parle donc de révélation. C'est un leurre de l'homme, de l'humain spirituel, émotif, religieux, que d'avoir décidé que le mot apocalypse voulait dire catastrophe. Apocalypse veut dire révélation de choses passé ou en cours. Maintenant, ce n'est donc pas des prophéties. L'Apocalypse n'est jamais prophétique. Maintenant, connaissant la substance psychologique de l'humanité, il est facile de prévoir ou d'entrevoir que lorsque l'on va révéler des choses à l'humain, il va se vivre des crises psychologiques. Et à travers les crises psychologiques, il va se vivre des crises sociales. Et dans ces crises sociales, il est facile d'entrevoir l'idée qu'il y aura des guerres. Mais là, on dit à un moment donné, bon, les montagnes vont se réveiller, il y aura des tremblements de terre. Parce que les tremblements de terre, il y en a régulièrement. On en prévoit un pour la faille de Sant'Andrea depuis 30 à 40 ans. Et c'est toujours imminent que ça va arriver. On en prévoit un majeur pour les 10 prochaines années pour la côte est des États-Unis. Ça veut dire l'État de New York, une partie du Québec, etc. On prévoit des choses. On prévoyait le réveil d'un volcan en Australie, et finalement, c'est aux Philippines qui s'est réveillé. Alors, on peut dire, ben, c'était quand même pas si mal, on avait prévu le réveil d'un volcan sur la planète, puis il y en a eu un. Les prophètes, ou c'est pas les prophètes, ceux qui interprètent les prophéties agissent comme ça. Bon, en 92, va voir s'intensifier les révélations, c'est-à-dire les tremblements de terre astro, les tremblements psychologiques, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de révélations de choses neuves, non pas seulement à travers le public québécois, mais à travers l'humanité. Et la révélation de choses neuves va créer différents processus qui existent déjà au niveau du Québec et qui existent déjà au niveau des contextes industrialisés nord-planétaires. Le scepticisme et le traditionnalisme renouvelé. Évidemment, il va y avoir le néotypage, la création de nouvelles formes qui va détruire progressivement ou camoufler les archétypes, les vieilles formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura des révélations, et en 92, il y en aura de plus en plus. On va en faire plusieurs ici, puis il va s'en faire ailleurs de toute façon. Il va s'en faire dans la conscience des personnes aussi, parce que l'humain va progressivement cesser d'évoluer. Mais quelle différence tu fais? Augmenter sa conscientisation. Quelle différence tu fais entre une prédiction et une révélation? Bon, une prédiction, c'est lorsque l'on dit quelque chose avant que ce soit le temps de le dire. Mm-hmm. Une révélation, c'est lorsque l'on dit quelque chose parce que l'humain a subitement la lucidité de conscience pour l'avoir d'elle-même. Une révélation n'est pas nécessairement prononcée par quelqu'un. Tu peux avoir une révélation au niveau de ta vie subitement comme ça. C'est une prise de conscience, une conscientisation. Alors qu'une prédiction, c'est lorsque tu dis quelque chose avant son temps. Puis quand on prédit quelque chose, étant donné que le temps est toujours en mouvement, disons que ce que l'on dit, c'est probablement certain que ça va arriver, mais on ne sait jamais quand. OK. Bon. Parce que l'humain vit cycliquement, de toute façon, tu as juste à regarder l'histoire, puis tu peux décider que c'est ce qui va se passer en changeant un peu les noms, puis ça va arriver aussi. Bon, c'est pas un gros problème, prédire. C'est de donner des chiffres, puis l'humain a besoin des chiffres, mais tout est en mouvement. C'est comme de dire à quel âge un enfant vit son adolescence. Bien, ça dépend du sexe, puis ça dépend de l'enfant. Alors, un psychologue qui dit qu'à partir de 8 ans, les filles commencent à vivre leur puberté, il prédit. Mais si tu as une fille qui a 8 ans rien vécu, puis à 9 ans rien vécu, puis à 10 ans rien vécu, il fallait pas soigner. Et le psychologue non plus. Et c'est simplement que on n'a rien à faire avec ça. Bon, on doit être patient. Alors, c'est préférable pour la petite fille qu'elle vive ça 12, 14, 15 ans. C'est mieux qu'à 8 ans. Bon. Ce qu'on doit comprendre, donc, c'est qu'il y aura des révélations. Les révélations engendrent des chocs au niveau de la conscience humaine et il y aura de plus en plus de ces chocs. Ce que je vous explique là, c'est simplement de la mécanique qui va permettre de comprendre les mouvements planétaires, les mouvements sociaux, les mouvements culturels dans l'année 92, évidemment, mais dans les années à venir jusqu'à l'an 2023. Pour ceux qui vont se rendre jusqu'à l'an 2023, évidemment. Mais on va surtout se concentrer sur 92. Bon. Quand l'humain a subitement des révélations, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il a ce que l'humain appelle des illuminations. L'illumination, c'est une révélation qui est en accord avec notre psychologie. C'est une illumination. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en Dieu et subitement, j'ai une révélation me prouvant que Dieu n'existe pas, je dirais, j'ai une illumination. Si je crois en Dieu et que j'ai une révélation me prouvant que Dieu existe, je dirais, j'ai une illumination. Mais si je ne crois pas que Dieu existe et que j'ai une révélation me prouvant que Dieu existe, je dirais, j'ai eu un choc. Mais si je crois que Dieu existe et que j'ai une révélation me montrant que Dieu n'existe pas, je dirais aussi, j'ai eu un choc. Normalement, l'humain, dans sa structure génétique, psychologique, au niveau de son hippocampe cérébral, il n'est pas suffisamment solide pour être capable de supporter des chocs. Alors, il y a une mécanique chez lui qui s'appelle l'intellectuance, qui est l'ajusteur psychologique, qui est l'intellect, qui a comme fonction de transformer le neuf, de le détruire, de prendre la réalité, de la transformer en vérité, pour l'ajuster à la psychologie de l'individu, de façon à ce qu'il ne vive pas trop de chocs. Et ça va engendrer le scepticisme. L'intellectuance va permettre lentement d'abandonner des vieilles formes, mais très souvent, parce qu'on a un ego, on va être fier d'abandonner des vieilles formes. On va trouver que les autres sont pas mal épais de conserver les vieilles formes. Mais on va conserver un paquet de vieilles formes qu'on va considérer que ça c'est juste correct, ça c'est correct. Et on va démolir les révélations, donc le neuf, par l'intellectuance pour les ajuster à ce que l'on veut vivre, de façon à atténuer le choc du neuf. Mais en 92, cette mécanique-là va être atténuée? Non. Puisqu'il va y avoir plus de chocs? Les gens vont subir des chocs, non? Les gens vont subir un peu plus de chocs. Pourquoi? Parce que l'intellectuance ne sera pas suffisamment puissante dans la majorité des intellects pour être capable de tamponner suffisamment le poids de la révélation, c'est-à-dire le poids de la conscientisation. L'humain a évolué depuis, disons, 4 800 000 ans. Sauf que, qu'est-ce que c'est que l'évolution? L'évolution, elle est de deux façons. Il y a l'évolution darwinienne, qui fait en sorte que le corps physique, probablement même le corps vital et même le corps astral, la psychologie, s'adapte aux choses. Alors, l'évolution darwinienne, par exemple, peut ressembler à ceci. Tu viens de perdre quelqu'un que tu aimais bien, il est mort. Et tu pleures, tu souffres parce que, bon, tu l'aimais uniquement pour ce qu'il te rapportait. Maintenant qu'il n'est plus là, tu ne peux plus bénéficier de sa présence, alors tu souffres. Mais à un moment donné, le temps va faire en sorte que tu vas te déconnecter, tu vas te libérer des liens karmiques qui te relient à l'individu, et tu vas finir par moins souffrir. Cette mécanique, la majorité des humains vont la vivre aussi, cette mécanique fait partie des deux ordres de tamponnage au niveau de la psychologie, c'est-à-dire que tu vas t'adapter darwiniennement parlant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ta psychologie va s'adapter à une condition que tu ne peux pas changer. Un peu comme lorsque les animaux vont muter, parce qu'à un moment donné, il y a trop d'insecticides, eh bien, certains animaux vont muter, puis progressivement, ils finissent par s'adapter aux insecticides, donc ils ne meurent plus. Ils s'adaptent à l'événement. L'humain le fait, les animaux le font aussi, mais les animaux, bon, quand ils viendront à une conférence, on leur en parlera. L'humain le fait aussi, mais l'humain le fait psychologiquement, mentalement, vitalement et physiquement. Et presque plus physiquement. L'autre phénomène, c'est l'évolution qui est beaucoup plus hominale, où l'homme va adapter l'extérieur parce qu'il est incapable de s'adapter. Et ça, c'est ce qui normalement se fait lorsque l'intelligence traverse l'homme. Quand je parle d'homme, je parle toujours de l'homme, de la femme et de l'enfant. Ça va de soi. Lorsque l'intelligence traverse l'homme, il a la capacité de savoir des choses, et le savoir fait partie de l'intelligence active, qui est extrêmement différente de l'intelligence passive, qui, elle, provient de la mémoire, donc de l'apprentissage. Lorsque l'intelligence active traverse l'humain, phénomène supramental, ça amène à l'humain des idées, bien que certaines idées viennent carrément de la mémoire, ça amène à l'humain des idées, ça amène à l'humain un savoir, et ce savoir, par répercussion au niveau de son environnement, va transformer les choses. Donc l'humain peut couper des arbres pour en faire des meubles, au lieu de se transformer en quelqu'un capable de s'asseoir sur un tronc. Il va transformer le tronc pour le placer horizontal, pour s'asseoir dessus. Est-ce que savoir sous-entend implicitement conscience? Le savoir ne sous-entend pas implicitement conscience, parce que la conscience est quelque chose qui n'appartient pas à l'intelligence. La conscience est quelque chose qui appartient à l'expérience. Autrement dit, l'être humain devient conscient lorsqu'il a vécu suffisamment d'expérience pour atteindre un degré où il devient écœuré, et il devient encore plus conscient lorsqu'il atteint un degré où il est écœuré d'être écœuré. L'humain commence à être conscient. Par exemple, l'humain est conscient de la pollution lorsqu'il en a ras-le-bol, lorsqu'il est écœuré d'être écœuré de polluer ou de voir polluer. Alors, il y a la conscience qui fait partie de l'instantané, le savoir, cette conscience-là. Subitement, je suis conscient que je prends ma douche avec un savon non biodégradable et que je fais partie de l'association pour je ne sais quoi au Québec, là, l'environnement. Bon. La personne qui n'a pas de conscience, elle peut avoir de la mémoire de conscience, c'est-à-dire qu'elle va apprendre des choses. Alors, elle va dire, ce n'est pas correct de polluer. Elle demande pourquoi. Parce que ça détruit notre environnement. C'est beau. Là, elle s'en va et puis elle se lave encore avec un savon qui n'est pas biodégradable. Elle continue à détruire l'environnement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris que ça aussi détruisait l'environnement. Elle n'a pas de conscience, elle a de l'apprentissage, de la mémoire, donc de l'intellectuance. L'être humain qui reçoit de l'intelligence, l'être humain qui reçoit le savoir, va créer des choses, donc il va commencer à vivre, à faire une évolution qui va être adaptée, c'est-à-dire qu'il va adapter l'extérieur à ce qu'il a besoin lui, plutôt que de s'adapter lui aux besoins de l'extérieur. Bien que continuellement l'être humain soit obligé de s'adapter à l'extérieur. Alors que l'humain a commencé à adapter l'extérieur, dans sa conscience, il a été implanté une illusion géniale, celle que l'homme avait un libre arbitre. Parce que l'homme a commencé, selon lui, à manipuler l'extérieur, il a pensé qu'il avait un libre arbitre, qu'il décidait des choses. Donc, qu'il faisait des choix, qu'il était actif et non pas réactif, et qu'il pouvait contrôler et changer le monde. Parce que l'humain a cru ça, l'humain a été assujetti à une force manipulatrice inconsciente, très dangereuse, sur lequel on pourra venir à un moment donné, soit pendant la conférence ou dans d'autres conférences. Et l'humain a fini par se laisser totalement manipuler par quelque chose qui ne provient pas de la conscience, qui ne provient que de la mémoire, et qui manipule l'humain pour le faire jouer à un paquet de choses. Ça va engendrer des égrégores, des habitudes, des traditions, des rituels et des cycles. Et puis, pour se libérer justement de cette mécanique-là qui manipule l'humain? La révélation. La révélation. Ouais. Quand tu vas découvrir que tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, c'est pas ça, puis que c'est vraiment pas ça, là, tu vas commencer à te libérer de ces choses-là si tu es capable de supporter le choc psychologique de tes révélations. J'ai rencontré un psychologue à un moment donné qui voulait se suicider, et le psychologue, il me disait, je travaillais pour Urgence Santé, et j'étais allé donc chez lui parce qu'il avait demandé un véhicule d'urgence, et puis le monsieur était très, très bâti, très, beaucoup plus gros que moi, encore en pleine forme, il avait pris un paquet de pots de médicaments, et il se suicidait. Alors, on lui demande, si vous vous suicidez, pourquoi vous avez appelé des techniciens ambulanciers? Ah, il nous dit, c'est parce que je vous dis pourquoi je me suicide. Bon, ben, c'est intéressant. C'est un jour j'écris mes mémoires. Bon, allez-y, j'écoute. Il dit, l'amour, ça n'existe pas. Alors, je lui dis, ben ça, je le sais, ça, effectivement, l'amour, ça n'existe pas. C'est pas un problème. Maintenant, c'est pas pour ça que vous suicidez, certains. Et puis là, il était deux révélations dans la même journée. C'était un choc. La première, c'est que l'amour n'existe pas. Puis deuxièmement, c'est qu'il y a un petit clown d'ambulancier qui le savait. Ah, je lui dis, mais non, c'est sûr que l'amour n'existe pas. Les gens, ils cueillent une fleur parce qu'ils l'aiment, alors ils la tuent, ils la mettent dans un bocal, ils l'admirent, puis quand elle est fanée, ils la mettent aux poubelles. C'est sûr que tous ceux qui vous ont aimé, vous aimaient pour ce que vous leur apportiez. Quand vous rapportez plus, ils vous aiment plus. Si vous changez votre face, ils vous reconnaissent plus, ben oui, mais je t'aimais, mais pas comme ça, ou je t'aimais, mais quand tu étais plus bon. C'est sûr que l'amour, comme l'humain et la philosophie, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui fait que des gens ont des révélations, d'autres n'ont pas, ou moins? Ben, ça dépend simplement de ce que tu as mangé la veille. Ah oui? Qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir des révélations? Il y en a qui mangent du beurre d'arachide, il y en a qui mangent des bananes, il y en a qui vont chez McDonald's, il y en a qui ne mangent pas. Et ça dépend des individus. Il n'y a pas de recette pour la révélation. La révélation, c'est comme un Coran, c'est-à-dire que quand tu es prêt, ça tombe. Quand est-ce que tu es prêt? Mais quand tu en attends, tu es quand même prêt. Donc, c'est quand tu n'en attends pas. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de prévoir le futur. Non. Parce qu'il y a des révélations qui viennent contrecarrer. Ben, le futur. De toute façon, le futur qu'on prévoit va être une extrapolation de notre passé, puis entre vous et moi, je préfère ne pas prévoir de futur à partir de l'extrapolation du passé. Parce que si on regarde depuis que l'homme des cavernes à l'homme des tavernes, si on regarde toute l'évolution de l'humanité allée jusqu'à aujourd'hui, de l'Australopithèque à l'Australo à l'Australo, les guerres, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution de l'humain? Il s'est passé que l'humain n'a fait qu'évoluer. L'humain n'a fait que ça, évoluer. Il n'a fait qu'évoluer. Il n'a fait que ça. C'est long. Ben, c'est long. Je comprends, ça mène nulle part, l'évolution. Et tant que l'humain finisse par se conscientiser, par passer à autre chose. L'évolution, c'est mémoriser la conscience. L'évolution, c'est d'apprendre de la sagesse d'autrui, puis de dire, de la faire sienne au niveau de la mémoire. L'évolution, qu'est-ce que ça change? Ça change que les Romains s'ennuyaient à mourir et faisaient des orgies, parce qu'à un moment donné, ils avaient la richesse. Il n'y a rien de pire pour détruire un empire que de donner l'abondance. Bon. Et par les Égyptiens, on fait la même chose. Les Romains étaient malheureux. Les Français, à l'époque de Napoléon, étaient malheureux. Les Mongols du Khan étaient malheureux. Bon, les Américains sont malheureux. Eux autres, ils n'avaient pas la possibilité de se conscientiser? Ben, ils ne se conscientisaient pas, ils évoluaient. Mais qu'est-ce qui fait que nous autres, on a la possibilité de se conscientiser? Ah, ça, c'est une grosse, grosse question génétique, on reviendra plus tard. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'humain a évolué. Les personnes me disent souvent en séminaire, oui, mais Bouddha, il est passé pour rien. Puis Jésus, il est venu pour rien. Puis Mahomet, il est venu pour rien. Puis ils sont tous venus pour rien. C'est parce que l'humain évolue qu'ils sont venus pour pas grand-chose. Parce que l'âme, ça n'évolue pas. L'humain a toujours les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes angoisses, les mêmes désirs. On avait des philosophes avant, on les appelait Platon. Aujourd'hui, on les appelle psychologues, on les appelle psychiatres, on les appelle André Moreau, on les appelle, bon, des belles, pas qu'à de noms. Bon. Mais l'humain reste dans la même incertitude. On l'a même en science, même en physique nucléaire, le théorème d'incertitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que on avait de la religion avant, le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on a encore le culte des ancêtres. Qu'on appelle ça comme on voudra. Quand quelqu'un adore, on l'appelle le Seigneur. Le gars qui saigne, c'est une croix, le Seigneur. Bon, quand le monde adore, c'est un ancêtre. C'est quelqu'un qui est passé, voilà, un peu moins de 2000 ans. Bon, quand le monde adore les saints, c'est tous des ancêtres. Et l'humain, aujourd'hui, que je l'ai déjà dit en conférence, l'humain fait plus confiance aux morts qu'il fait confiance aux vivants. Quand quelqu'un, on prend par exemple un vieux livre sacré qu'on trouve quelque part dans de la boue, là, dans le coin où Enoch a vécu, et puis on ramasse le livre, on commence à lire à l'intérieur, et puis là, il y a des prophéties où il y a des choses sur l'humain, puis on y croit. Et quand c'est un livre écrit par quelqu'un qui vit aujourd'hui, puis qui sort quelque chose qui n'a pas plus d'allure ou qui a autant d'allure, on y croit pas. J'ai déjà fait une conférence sur la cosmogonie d'Urantia, puis j'avais frustré tout le monde en leur disant que je ne l'avais pas lu. Puis j'étais prêt à faire 2 heures de conférence là-dessus. Puis j'ai expliqué, le gars qui l'a écrit, il l'a pas lu non plus. Vous y croyez bien. Bon, ben s'il est capable d'écrire sans le lire, je suis capable d'en parler sans le lire. Mais non, lui il est mort. Ça a du poids, c'est un gars qui est mort. On fait pas confiance aux vivants. Alors qu'on serait motatiquement plus intéressant, ça serait bien plus intéressant si chacun se centre chez lui. Les révélations, c'est ce qu'elles vont amener. C'est que l'humain va cesser d'évoluer. Évoluer, qu'est-ce que c'est? C'est passer son temps à travailler pour, à faire des efforts, donc à travailler, pour arriver à un état méritoire de bien-être. Bon, appelez ça le salut, appelez ça le nirvana, appelez ça une augmentation de salaire. Bon, c'est arriver à un état méritoire de bien-être. Méritoire. Ça fait partie de l'évolution, le mérite. Il faut gagner son ciel ou encore, il faut gagner ceci, il faut gagner cela. Quand tu t'amuses au travail, pas tu joues, quand tu t'amuses, quand tu es heureux au travail. Mais là, on considère que c'est pas nécessaire de l'augmenter. Alors, les gens vont travailler, puis les gens vont travailler malheureux, puis les gens méritent, puis les gens chiolent, puis les gens... Mais le bonheur, il n'y en a plus beaucoup. Dans les religions, c'est la même chose. Si tu es heureux sur la planète Terre, ça vaut pas la peine de soit heureux là, rendu de l'autre côté. Et ça, les dieux y veillent, ça. À ce qu'on soit pas trop heureux sur la planète Terre. Il est aussi. Ah, ben, c'est parce que là, l'homme participe tellement. L'homme évolue, parce que l'homme évolue, parce que la femme évolue, parce que l'enfant évolue. Okay. Ils sont toujours encarcanisés, c'est-à-dire pris dans un carcan émotif psychologique, même au niveau mental, qui les limite totalement à n'apprendre que ce qui est déjà su. Et ça, l'évolution. L'évolution, c'est toujours une mécanique cyclique, ça avance pas comme l'humain aimerait le penser, parce que l'humain évolue depuis combien de temps? Vous allez avoir une révélation géniale, puis à un moment donné, rentrez dans une bibliothèque, prenez le Tao de King, lisez un peu là-haut de ça, puis vous allez découvrir que, tabarnouche, un gars comme ça existait il y a tant d'années. Ben oui. Ben oui, mais d'abord, je viens de trouver ce qui avait été trouvé il y a quelques milliers d'années. C'est pas mal bon, c'est, ça va à peine. Prenons l'exemple du service téléphonique. Vous donnez un exemple de ce que c'est que l'évolution. Aujourd'hui, on est rendu avec un service téléphonique très extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un système qui sonne quand quelqu'un appelle en deuxième. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, d'un coup ça fait nit, nit, nit, nit. Bon, ben là, il y a une autre personne qui veut le dégoûter, parce que l'autre chose est bon. Ah, c'est génial! Là, après ça, transfert d'appel. Vous en allez ailleurs, puis vous voulez absolument que les gens puissent vous suivre dans... Ouais. Bon, alors vous vous pitonnez un petit peu, on vous rejoint là-bas. C'est la haute technologie. Les messages, le répondeur, la haute technologie. Reculons 70 ans, à l'époque d'Alexandre. Graham Bell. Bon, quand les gens téléphonaient, il y avait des petites boutiques. Je ne sais pas, vous ne vous rappelez pas tout le monde, là. Mais ça sonnait un coup, deux coups, trois coups. Quand c'était trois coups, ça voulait dire à tout le monde, prenez la ligne, écoutez, quelqu'un appelle chez le voisin. Bon, tout le monde écoutait, ça, il savait tout ce qui était bon. Mais qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le médecin du village, là, il s'en allait chez quelqu'un. Il appelait la personne qui connectait les fils, hein, l'opératrice qui opérait, bon. Il appelait la personne, puis lui disait, écoute, je m'en vais à des choses pour le supporter lui au niveau de sa vie. C'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Ça crée des problèmes. C'est pas mauvais. Un être décentré, c'est un être centré dans une religion organisée. C'est un être centré dans un concept philosophique particulier. Que ce soit le concept de Krishnamurti, de Judou, que ce soit le concept de Daniel Kemp, que ce soit le concept de... Quelqu'un qui n'est pas centré, c'est quelqu'un qui a besoin de lire Jonathan Livingston Le Goéland, par exemple, pour retrouver l'amour dans le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas centré, c'est quelqu'un qui a besoin de lire Le Petit Prince pour retrouver l'enfant dans le monde. Quelqu'un qui n'est pas centré, c'est quelqu'un qui a besoin de regarder un film avec Steven Seagal, par exemple, qui est un aikidoka, pour avoir le goût de faire du sport. Casser des bras. Bon. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas centré. Quelqu'un qui n'est pas centré, c'est quelqu'un qui a besoin d'une idole. Alors, les jeunes sont rarement centrés. Ils ont besoin d'une idole. C'est pas mauvais. C'est correct. Sauf qu'à un moment donné, il faut que progressivement, ils rapatrient leurs besoins extérieurs vers eux pour finir par devenir leur propre idole sans être des orgueils. Celui qui est trop orgueilleux, il n'est pas son idole. Il doit continuellement se prouver qu'il est bon, donc le prouver aux autres, parce qu'il est toujours dans l'incertitude de ses capacités. Alors, il n'est pas mieux que celui qui est convaincu que c'est l'autre là-bas qui est bon. Bon. Une personne qui est centrée, c'est quelqu'un qui rapatrie sa conscience chez elle. Donc, c'est une personne qui est capable de savoir, pas de connaître. Vous savez que vous vivez. Vous ne connaissez pas que vous vivez. Vous ne savez pas Montréal. Vous connaissez Montréal. La connaissance, c'est de la mémoire, pas bien de l'apprentissage. Le savoir, c'est sans apprentissage. C'est instantané. On sait quelque chose. Alors, lorsque l'humain rapatrie finalement sa conscience vers lui, lorsqu'il se centre, il sait ce qu'il sait et il sait ce qu'il ne sait pas. Lui, il est centré. Ça ne veut pas dire que c'est tout. Ça veut dire que si on lui demande, est-ce que tu crois à la réincarnation? Lui, il va dire, je ne le sais pas. C'est très intéressant la réincarnation. J'envisage plein de choses là-dedans, ça me permet de philosophiser, ça me permet de voyager au niveau de la conscience, mais je ne sais pas si ça existe. La personne pourra dire, ah ok, d'abord tu n'y crois pas. Non, ça n'a rien à voir avec la croyance. Je ne sais pas s'il y neige encore, et ça n'a rien à voir avec une foi ou avec une croyance ou avec une anti-croyance. Celui qui est centré n'a plus besoin de croire. Il ne croit pas en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il le rejette. Ça veut dire qu'il sait qu'il existe, ou il sait qu'il n'existe pas, ou il sait qu'il ne le sait pas. Il devient son propre maître. Il devient son propre maître au niveau de la conscience. Ça ne l'empêchera pas de discuter avec d'autres, parce que les échanges d'énergie forment des structures au niveau de la pensée, et ça permet, à un moment donné, d'engendrer des petites révélettes. L'homme de l'ère du Verseau, c'est cet homme-là? Bon, l'ère du verso, écoute, c'est... Point de terme. L'homme nouveau. Te rends-tu compte qu'il y a 12 signes dans le zodiaque puis que le verso ne traversera jamais? C'est parce qu'à partir de la Terre et du Soleil, on voit des OK. Point de vue. Bon, l'homme nouveau, oui, OK, d'accord. C'est l'homme qui fait partie de la première sous-race de la sixième race mère, la race bleue. On sera pas bleu, c'est une race neuronique qui est endocrinienne, c'est pas une race cutanée. Bon, et... L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, ça va de soi. Ces êtres-là font effectivement partie de ceux qui auront une conscience centrée. 1992, c'est une année intéressante pour plusieurs choses. Je vais faire un petit résumé rapide, après ça, on va revenir. Premièrement, il y aura de plus en plus de révélations. La révélation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient briser le rythme et le cycle de l'évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours expliquer les mêmes choses en ou les choses neuves en fonction du passé, subitement, on ne peut plus. Et là, on commence à les expliquer en fonction de choses neuves, où on commence à ne plus les expliquer et on est capable de supporter la fièvre de l'ignorance. Ça, ça va arriver en 92 pour de plus en plus d'individus. Ça, c'est ceux qui vont être capables d'accepter le neuf. Pour la majorité des individus, ce qui va arriver en 92 à l'échelle de la planète, c'est un début. Ça va continuer en 93, c'est terrible en 93 pour plusieurs personnes. Et puis 94, et puis 95, 96, 97, jusqu'à temps qu'on ait une petite crise. Ce qui va arriver, donc, il y a les individus qui vont être capables de supporter leur ignorance et qui vont être capables de cesser d'expliquer les choses en fonction de leur mémoire. Un exemple. Vous voyez quelque chose de bizarre, lumineux, flotter dans le ciel. Le théologien va dire, c'est une apparition, c'est un signe de Dieu. Bon, en tout cas, c'est un signe. L'ésotérisme, l'ovniologue va dire, c'est un vaisseau spatial, c'est une soucoupe volante. Bon, intéressant. Le météorologiste va dire, ah tiens, il y a des perturbations bizarres qu'on ne connaît pas encore dans l'atmosphère. Puis là, on pense que lui a plus raison. Ils ont tous les trois raison, puis ils ont tous les trois tort. Tous les trois expliquent en fonction de ce qu'ils ont. Mm-hmm. Bon. Puis un individu qui, lui, rejette tout ce qui fait triper les gens dans leur corps psycho-spirituel, va dire, il va prendre pour le météorologiste. Puis si le météorologiste il dit, bon, ça peut tout être un ovni, il ne prendra plus pour le météorologiste. Il va prendre uniquement pour ce qu'il connaît dans son vécu. C'est-à-dire que il y a une explication rationnelle. Écoute, une soucoupe volante, c'est rationnel en maudit. Vous n'avez jamais eu un accident avant une automobile, une soucoupe volante? C'est rationnel en tabarouette. Bon, sauf que c'est pas parce que l'humain n'a pas vu que c'est pas rationnel. Ça peut effectivement être un avion furtif. Ça peut aussi être un météore, c'est-à-dire une perturbation météorologique. Tout ça, c'est rationnel. Sauf que l'individu qui n'est pas capable de se centrer chez lui, puis en 92, il va y avoir quelques millions, sinon quelques milliards d'individus qui, au contact de structures révélatrices, donc des révélations, auront de la très grande difficulté à rester centrés ou à se centrer, et eux vont commencer à cartésianiser, donc à rationaliser toutes les mécaniques, c'est-à-dire qu'ils vont faire exactement comme les prêtres du passé. Ils vont tout rejeter, ce qui ne fait pas partie de leur schéma mémoriel, et ils vont tout expliquer ou tout tenter d'expliquer qu'en fonction de leur schéma mémoriel, que ce soit le scientifique, l'ésotériste, le théologiste, le psychologue, etc. Ça, c'est la majorité des humains. Et en 92, la révélation va aussi créer un choc sur quelques autres humains, et ça va les amener à boire un peu plus, à se droguer un peu plus, c'est-à-dire à s'obscurcir la conscience pour fuir le contact de la révélation, ou simplement à se suicider. Ce qui est nouille, parce que très souvent, les individus qui se suicident sont des individus qui ne leur faut pas grand-chose pour être centrés. Leur problématique des gens qui se suicident souvent, c'est qu'ils sont trop collectifs, c'est-à-dire qu'ils sont tellement décentrés, mais il ne leur faut pas grand-chose pour les ramener, ils sont tellement décentrés que s'ils ne sont pas reconnus par l'extérieur, ils ne peuvent se reconnaître. S'ils ne sont pas aimés, ils ne peuvent s'aimer. S'ils ne sont pas utiles à quelque chose, ils sont inutiles dans la vie, etc., etc. Il y a toute une dégringolade de raisons qui part du fait que l'humain est collectif. Donc, les quelques rares qui auront la difficulté à supporter la révélation. Contact extraterrestre, oui, il y en a toujours eu des contacts extraterrestres, sauf qu'il y aura effectivement de plus en plus de rencontres, de mécaniques, d'apparitions extraterrestres, pas nécessairement au niveau des photographes, pour la simple raison que c'est pas qu'une question qu'il faut, il faut y croire pour la voir. S'il faut croire à une soucoupe volante pour la voir, il y a des chances que ce soit une soucoupe volante de croyance. C'est-à-dire, elle existe, mais dans un continuum psycho-émotif particulier. Bon, j'ai rien contre. Mais c'est un peu comme si on vous demande, prenez un appareil photo, promenez-vous dans la ville de Montréal, puis à une semaine, là, rapportez-nous des photos d'un paquet d'événements bizarres ou des événements majeurs. Ben, il y a des photographes qui l'ont, sont toujours au bon moment, à la bonne place. Eux gagnent leur vie comme ça. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ben, c'est un peu la même chose. Celui qui est ovniologue, ben, nécessairement, il y a plus de chances d'en voir. Un peu comme la personne qui a l'habitude de marcher en forêt, ben, des animaux, elle en voit. L'autre qui n'a pas l'habitude, ben, des animaux, elle n'en voit pas. Puis quand elle en voit un, c'est une révélation. L'animal part d'un bord, puis souvent l'humain part de l'autre côté. Bon. Moi, j'ai vu mon oncle qui t'a acheté une grosse carabine, une Winchester, pour aller à la chasse à l'ours. C'est toute une fierté. Un jour, il est revenu. Plus de carabine, plus de lampe de poche. Il avait vu un ours. Mais une chance, on a retrouvé la carabine parce qu'il était la nuit et il avait échappé sa lampe allumée. Alors, c'était facile à repérer dans le bois. L'homme centré, lui, va toujours se retrouver là où il doit être. C'est parce que l'évolution, c'est toute une problématique. L'évolution, c'est toujours une question de mérite. L'évolution, premièrement, part de principes totalement faux. L'humain va vivre certains chocs. Je viens de faire finir mon petit résumé. Oui, okay. C'est intéressant cette semaine-là, mais mon petit résumé. Bon. Il y aura de plus en plus de réincarnations de l'avenir, en 92. Pourquoi? Parce que technologiquement, nous avançons de plus en plus. Plus nous avançons technologiquement, plus notre structure intellectuante, c'est-à-dire ce qui est l'ajustement psychologique, est capable d'accepter des mémoires qui ne proviennent pas du passé, donc qui ne proviennent pas pour l'humain du vieux, mais qui proviennent pour l'humain actuel du neuf, même si c'est des mémoires de l'avenir. Et progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre un choc en 92, celui d'avoir l'impression de ne pas être sur la bonne planète ou de ne pas vivre dans le bon temps. Et une frustration cumulative où, à un moment donné, t'en auras le bol de tout parce que tout est subitement, mauditement épais. T'es même pas capable encore de faire une serrure qui gèle pas l'hiver ou de... Bon. Progressivement, l'humain va vivre une irritation particulière. Qui, pourquoi? Parce qu'il sera toujours en confrontation avec inconsciemment quelque chose qu'il croit vivre ou qu'il croit avoir vécu, mais qui est de la mémoire incarnationnelle. L'humain va devoir avoir l'impression continuellement que c'est absurde certaines choses autour de lui et que ça ne provient pas de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience là-dedans. Bon, alors ça, c'est une frustration qui va se développer surtout au niveau des contextes nord-planétaires, presque inconnus au niveau de l'hémisphère sud, et qui va amener l'écœurement dans plusieurs individus en 1992. C'est le premier choc de la révélation. Et ça peut amener l'écœurement pour certaines personnes, c'est-à-dire que l'écœurement de l'écœurement va faire en sorte qu'ils vont être capables, s'ils supportent bien l'écœurement de l'écœurement, c'est-à-dire s'ils sont capables de s'écœurer sans se déprimer, c'est la recette, être écœuré sans se déprimer, on devient créatif en maudit. Moi, je dis souvent aux gens, aux séminaristes, c'est absorbe l'écœurement. J'explique facilement. Vous avez un bordel dans votre chambre, et puis ça vous achale, puis ça vous achale. Faites pas le ménage. C'est évolutif, c'est méritoire. Là, vous devez travailler, faire le ménage, placer ça, puis là, c'est une corvée. Non, observez le bordel. Soyez allé à une petite chaise, observez le bordel. Dites-vous, ça fait 2 semaines, je posais passer le respirateur ici. Observez le bordel. Si vous vous adaptez au bordel, ce ne sera plus un bordel. C'est réglé. C'est pas évolutif, c'est pas méritoire. Ah, quelqu'un de la famille peut-être voudrait qu'il s'adapte aussi. Bon. Ou qu'il fasse le ménage. Les enfants autour, là, les autres s'adaptent vite au bordel de leur chambre, puis leurs parents font le ménage. C'est ça, bon. Non, mais c'est intelligent. Sauf quand on ne trouve plus des affaires après. Mais là, vous observez, après 3 semaines, vous observez, puis là, vous commencez à en avoir ras-le-bol. C'est peut-être pas le temps de bouger. Observez. Vous voulez arrêter de fumer, arrêtez pas, c'est méritoire. Continuez. Maudit que c'est niaiseux! Mais là, mais avant, vous voyez la fumée rentrer, maintenant, vous voyez le 21 cents partir! Là, c'est-tu niaiseux? Écœurez-vous! Et continuez à fumer! Puis écœurez-vous! Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que si vous ne vous déprimez pas, mais que vous vous écœurez, vous allez subitement avoir toute l'énergie qu'il faut pour plus fumer, ou pour le faire, le ménage. Là, subitement, vous allez avoir une dynamite interne qui va vous grouiller, puis là, ça va y aller le ménage par-ci, ménage par-là, puis on va l'avoir. Puis quand vous allez avoir fini, même pas fatigué. Non. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir ramassé de l'énergie pour accomplir quelque chose. Pas parce qu'il y a partie du concept qu'il faut que ce soit en ordre, etc. Après ça, c'est évident que si vous resserrez vos affaires aux bonnes places tout de suite, ça va être plus facile. Mais peut-être qu'on est encore dans la rituelle de laisser tout traîner un petit peu, puis... de remettre à demain, ce qu'on peut remettre à demain, bon, presque tout. L'humain a réellement un dicton évolutif. Pourquoi faire facile quand on peut faire difficile? Alors, l'humain base sa vie là-dessus. Tu rencontres ton patron pour avoir une augmentation, puis là, il faut que tu transpires, il faut que ton cœur accélère, il faut que tu oublies ce que tu vas dire, il faut que un paquet d'affaires. J'ai toujours joué avec mon gars pour passer son permis de conduire. Il était nerveux. Rendu là-bas, il s'est énervé pour rien. Il avait oublié son permis temporaire. L'immatriculation de son automobile n'était pas en date avec ça. En tout cas, bref, il n'a pas passé son permis. Je lui ai donné un autre rendez-vous. Il s'est énervé pour rien. Pourquoi faire facile quand on peut faire difficile? C'est typique de l'humain. Tout le temps. Tout le temps. Vous aimez quelqu'un, dites-lui. Ah oui, mais c'est pas si facile que ça. Ah oui, je t'aime. Ah oui, mais c'est vrai, c'est trop facile. Faisons ça difficile. Tu passes à côté, puis tu lui donnes pas de bêtises à soir. Il devrait avoir compris que tu t'aimais. Ou encore, tu as tourné ton verre deux fois, il devrait avoir compris que tu veux de l'eau. Il devrait avoir compris. Ça, c'est facile, il me semble. Au lieu de dire, quand tu te lèves, là, peux-tu me ramener de l'eau? Ça, c'est bien trop compliqué. C'est compliqué, c'est une vraie force. J'étais au cinéma avec un de mes neveux, à un moment donné, le film était plate, on a dérangé l'assistance tout le long du film. Il n'y a personne qui nous l'a dit. Et non, quelqu'un nous l'aurait dit, on aurait arrêté. Les gens n'avaient pas l'air d'être dérangés. En tout cas, on continue à s'amuser, le film était drôlement plate. Pourquoi faire facile quand on peut faire difficile? C'est facile, on le dit. Mais non, on le dit pas, on transpire. Quand tout le cinéma a transpiré, là, ça sent. Tu sais, là, tu te dis, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gens fonctionnent comme ça. Alors donc, l'humain évolue de cette façon-là, puis dans son évolution, c'est toujours méritoire, c'est-à-dire qu'on doit toujours mériter quelque chose. Dans tout. Parce que les personnes qui ont ça comme ça, là, on n'aime pas ça. Fait qu'on prend, on vit, vous avez tous des dons, hein? Des dons, non, des qualités. Normalement, je choisis des métiers où est-ce qu'on doit développer nos affaires. C'est comme à l'école. Quand on entraîne un athlète olympique, qu'est-ce qu'on lui fait faire? C'est un bon coureur, est-ce qu'on lui demande de faire de la boxe? Non, hein? Quand c'est un enfant qui est bon à l'école, il est bon en or, est-ce qu'on lui demande de faire des mathématiques? Oui, hein? Puis s'il est bon en mathématiques, il va faire de la géographie, hein? Ça se fait, il coule tout, hein? On l'a le tour. Pourquoi? Il faut qu'on fasse difficile. Il faut que ce soit méritoire. Bon. Puis là, quand c'est méritoire, tu as réussi. Tu devrais te sentir bien. Pourquoi? Il l'aurait eu tout de suite. Ça, c'est l'évolution. L'humain va commencer à cesser d'évoluer. L'humain va avoir des révélations. Et rencontre avec les mécaniques extraterrestres, il va y en avoir quelques-unes, mais il y a deux types de phénomènes extraterrestres. Extraterrestre veut dire qu'il ne provient pas de la Terre. Bon, le rayonnement solaire est extraterrestre. Fait qu'en partant, les mécaniques extraterrestres, il en existe tout plein. Le rayonnement neutrinique est extraterrestre. Puis il y a un paquet de phénomènes extraterrestres. Sauf que, de plus en plus, l'être humain vit une conscience, une conscientisation qui lui amène des révélations seules, c'est une auto-révélation, où il découvre subitement, non pas par l'expérience de la vie, mais par l'intelligence qui commence à l'habiter, que telle chose est totalement absurde et que telle autre chose a de l'allure. Il découvre l'esthétisme. Puis l'esthétisme, c'est pas uniquement dans la façon de s'habiller ou dans la façon de placer ses meubles. L'esthétisme, c'est aussi dans la façon de vivre ses relations avec autrui. L'esthétisme, plus besoin de relations humaines quand on est esthétique. On n'a plus besoin d'apprendre à communiquer avec autrui quand on est esthétique. On n'a plus besoin d'apprendre à être poli sur la route quand on est esthétique. On n'a même plus besoin d'apprendre à s'aimer quand on est esthétique. C'est évident. Alors, quand un humain devient conscient, tu n'as plus rien à y apprendre. Un être humain qui va à l'école, prenons un enfant qui va à l'école puis qui commence à être conscient. Puis j'en connais, moi, des jeunes qui ont 10 ans, 11 ans, etc., puis même 7 ans, qui sont conscients. Bien, à l'école, ils n'apprennent plus rien. Sauf qu'à l'école, bien, à l'école, c'est obligé d'y aller parce que c'est pas supposé qu'ils sont conscients. Quand je dis qu'ils n'apprennent plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si leur automobile tombe en panne, ils vont être capables de la réparer tout de suite, tout seul, de même? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'automobile. C'est 7, 8 ans, 10 ans. Bon. Ça règle déjà une question, hein? Le genre de questions que tu devrais poser, ça fait quoi? Ça fait que lorsque ce sera nécessaire pour eux d'apprendre la mécanique, ils vont l'apprendre comme ça. Lorsque ça sera nécessaire pour eux d'apprendre des mathématiques particulières parce qu'il y aura un besoin planétaire évident, ils vont l'apprendre comme ça. Et ça, un être conscient. Il saura ce qu'il aura besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire qu'il le sache, lorsqu'il sera totalement centré sur lui. En attendant, lorsqu'il est transitif, lorsqu'il est presque centré, lorsque tous ses corps ne sont pas centrés, mais que sa conscience est centrée, il sera capable d'apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre quand ce sera nécessaire qu'il l'apprenne. Ça, il n'y a pas juste les jeunes, la majorité des adultes sont capables de faire ça. Sauf que la majorité des adultes sont décentrés. font confiance aux livres, font confiance aux autres, font confiance aux statistiques qui disent que ça prend tant de temps pour arriver quelque part. Et là, ils leurrent leur vie et ils se briment eux-mêmes. Non seulement ils refusent le neuf, puis en plus, ils refusent qu'ils sont. Ils veulent être acceptés, ils veulent être normal, puis pas naturel, normal. En 92, il va y avoir des individus qui auront des révélations choc où ils vont découvrir premièrement que ce qu'ils savaient ou ce qu'ils avaient appris est vrai. D'autres vont découvrir subitement que leur vie est totalement un non-sens. Il y en a qui l'ont déjà fait, cela. Mais il y en a qui l'ont appris. Il y en a qui ont une petite révélette. Mais à un moment donné, en 92, il y aura de plus en plus de ce genre de révélations. C'est réellement une augmentation des mécaniques d'apocalypse. Pourquoi apocalyptique? Parce que quand l'humain est totalement sous le choc de la révélation, l'humain entre en guerre. La majorité des humains vont entrer en guerre pour refuser la révélation, pour préserver la tradition. Et là, ce qui va arriver, c'est que si dans une famille, il y a un enfant qui commence à être conscient et que les parents sont traditionnels, les deux vont se battre les uns contre les autres, puis ça va se séparer. Puis si l'homme et si la femme sont un conscient, un traditionnel, ils vont nécessairement se séparer, ça sera le divorce, ça sera la cassure. Et ce sera comme ça partout, uniquement sous le poids de la révélation. Pas parce qu'à un moment donné, l'humain va se détester. L'humain ne sera pas capable de gérer son amour comme il n'a jamais été capable de gérer son amour. Mais ce qui va arriver en plus, c'est que sous le poids de la révélation, il y a des personnes qui vont se réveiller et qui vont comprendre des choses. Puis je ne dis pas que ce qu'ils vont comprendre est la vérité, disons la réalité. Une révélation amène à l'humain de l'énergie. Et en 92, il y en a un bon paquet, ici d'ailleurs, qui vont avoir de l'énergie. Et quand je parle d'énergie, ce n'est pas nécessairement l'énergie de se guérir. Pour se guérir, il ne faut pas avoir une raison émotive. Il faut avoir une raison intelligente. Ça, l'humain n'est pas encore habitué d'avoir des raisons intelligentes, des raisons émotives. Bon, des raisons émotives, ça rend malade. Bon. L'humain, il va se réveiller, l'humain. Et progressivement, tout au long de l'année 92, il y a des personnes qui vont se réveiller à un point tel qu'ils vont commencer à perturber leur entourage, non pas parce qu'ils veulent convertir, mais uniquement parce qu'à un moment donné, ils vont devenir psychologiquement allergiques à un paquet de comportements sociaux, économiques, familiales, et planétaire, etc. Ces individus-là, puis il y en aura de plus en plus, puis en 92, c'est surtout ce qui attend, l'année 92 qu'elle réserve surtout à l'humain, c'est des révélations, c'est-à-dire c'est un choc assez majeur, prise de conscience pour un bon paquet d'humains. Ou à un moment donné, ils vont avoir ras-le-bol de lire leur petit journal de Montréal, leur petite éco-vedette, là, mes petites bébelles, etc. Là, les artistes qui font tout, qui font exprès, les artistes, là, ils se marient, ils divorcent, pourquoi ils font exprès pour faire plaisir à leur... Non! Demandez-leur! Ils l'ont vite réussi, eux autres. Bon, c'est parce qu'ils essayent différentes choses. L'humain va vivre des révélations qui vont l'amener à... Quand l'enfant se réveille à l'école, il ne veut plus y aller à l'école. Mais quand le parent se réveille à l'école, il ne veut plus que l'enfant retourne à l'école. Et moi, je connais des enseignants, des enseignantes qui se sont réveillés à l'école. Ils ne veulent plus que les jeunes viennent à l'école. Puis ça crée des problèmes, parce qu'à un moment donné, oui, mais on fait quoi? Et c'est ça qui est le gros problème, on parle d'apocalypse. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, parce que l'humain, socialement, ne sera pas capable de régir le neuf, donc d'agir en fonction du neuf, tout devient sans dessous-dessous. Puis parce que tout devient sans dessous-dessous, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien là, les traditionnalistes vont se dire, écoute, il y a 50 ans, ça se passait pas de même. On battait les enfants, il allait plus longtemps à l'école, il allait à la religion, il allait, tu sais, bon... Là, ils vont vouloir ramener les vieilles structures. Puis c'est génial qu'ils ramènent les vieilles structures, parce que ça va écœurer un peu plus ceux qui sont écœurés. Ça va les forcer à éclater encore plus fort. Et c'est ce qui amène l'apocalypse. Mais 92, c'est pas une année de tranquillité. C'est une année d'intelligence. Puis l'intelligence, ça crée tout, sauf l'esclave psychologique. Un être humain intelligent est un être humain qui ne peut plus suivre. Ça, c'est pas une seule. C'est pas une de ne pas suivre l'autre. À un moment donné, même nous autres. C'est important que les gens sachent, que les gens soient au courant, parce que la révélation, quand une révélation descend, c'est pas tac tac tac, allô, je suis Vishou, je suis Manitou, je suis Dieu, je suis Ham-Hama, je suis tel extraterrestre, et je viens te dire que si tu sors dehors, tu vas jouer. C'est pas ça une révélation. C'est une manipulation. Une révélation, ça ne se parle pas. Une révélation, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est pas une philosophie. C'est pratique. C'est instantané. Subitement, vos yeux changent. Les yeux du cerveau, les yeux du mental, puis les yeux de l'intelligence, le cortex supramental. Ça change. Subitement, c'est plus ça. Et vous n'avez pas nécessairement les mots pour le dire. Ça crée des conflits à l'intérieur de l'humain, parce que l'humain veut s'expliquer psychologiquement à ce qui lui arrive. Mais je suis fou, là, je suis folle. Ce qui m'arrive. T'arrives simplement, tu commences à être intelligent. T'arrives ça. Et pour plusieurs, c'est épeurant. Pourquoi? Parce que dans leur mémoire, ils n'ont pas ça, l'intelligence. Ils ont l'intellectuance. L'intellectuance, c'est l'intelligence sociale. Plus tu as de mémoire, plus tu peux ensemble intelligent. C'est pas ça d'être intelligent. Intelligent, c'est être capable d'innover, capable d'apprendre sur le tas, spontané. On peut ne pas être érudit pour avoir d'instruction, on peut être drôlement intelligent. D'ailleurs, la majorité des comics sont intelligents. Parce qu'ils vendent des farces au fur et à mesure. Drôlement intelligent. L'humain va devenir intelligent, et il y a de plus en plus d'humains en 92 qui vont devenir intelligents, donc ils vont être assujettis à la révélation. Et ils devront vivre des situations qui vont être très problématiques au niveau familial et au niveau professionnel. Normalement, moi, je suggère toujours aux séminaristes de ne jamais abandonner un emploi. Sauf si l'emploi t'abandonne, évidemment. Pourquoi? Parce que la conscience, on est bâti de plusieurs façons. On a un corps physique, ça on le sait pas mal tous. Ça, je pense que la majorité, vous savez, c'est un corps physique. Bon, puis on l'entretient pas, puis bon. Mais on sait qu'on a un de temps en temps. La nuit, quand on se lève, là, les lumières peintent, là, puis qu'on se frappe les tibias sur les meubles. On sait au moins qu'on a un bas de corps. Bon, les tibias. On est vivant. On appelle ça un corps vital. Les acupuncteurs s'en servent. La médecine, elle, a dit que ça existe, mais que c'est pas bon. Faut traiter la matière morte et pas la matière vivante. Ben, c'est d'ailleurs le principe de la médecine occidentale. C'est pourquoi ils n'ont jamais découvert l'acupuncture. C'est qu'eux autres disséquaient uniquement des cadavres, tandis que les Chinois travaillaient sur les vivants. Évidemment, l'énergie vitale, elle quitte le gars ou la fille quand il meurt. Il n'est plus dedans. On a un corps astral. Qu'est-ce que c'est qu'un corps astral? Puis quand on parle de mon corps, là, c'est pas nécessairement une bébite qui nous ressemble, qui se promène, qui va fouiller le frigidaire la nuit, puis qui va. Bon, c'est pas ça. Ou qui visite les camps de nudistes. Bon, c'est pas ça un corps astral. C'est un mot, c'est un concept qu'on donne à tout ce qui cumule les mémoires, les désirs et l'émotion. Puis la relation, la communication entre ces trois mécaniques-là, c'est ce que l'humain appelle la psychologie, la science de l'âme, psychologie. Bon, on a un corps astral, on a un corps mental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain finit par conscientiser qu'il y a une structure mentale lorsqu'il commence à avoir des conflits entre sa structure émotive et sa structure intellectuelle. Je devrais pas prendre ça. Mais c'est bon, maudit. Oui, mais c'est stupide. Mais c'est bon, maudit. Comment s'il y avoir une réflexion mentale et une réflexion psychologique? Bon. Et l'humain, à un moment donné, finit par arriver à une autre strate, qui est la conscience supramentale, supérieure au mental, où là, il sait totalement ce qu'il doit faire. Puis c'est là qu'on a un problème. Parce que là, on veut s'expliquer en mots. On veut expliquer, instruire, enseigner à notre ego, à notre âme, à la seule chose qui ne se conscientise pas dans l'humain. À la seule bébite qui ne comprendra jamais rien dans l'humain, l'âme. L'âme, ça ne comprend rien, l'âme. Depuis le temps que l'humain a une âme, puis fait encore les mêmes bébelles, ça mémorise, ça ritualise, ça traditionnalise, ça habitue. Ça ne comprend pas une âme. Bon. La conscience de l'âme, à un moment donné, l'humain va vivre des choses en 92, puis là, il va essayer de se l'expliquer, puis c'est là que l'humain vit des crises. L'humain va se dénormaliser progressivement en 92, une grande partie parmi vous. Il y en a plusieurs ici qui pensent qu'ils ont déjà commencé. Vous avez commencé à apprendre la mécanique. Certains ont vécu un peu ces choses-là, c'est sûr. En 92, ça va être pour la majorité beaucoup plus puissant, la structure révélatrice. L'humain va être en 92 beaucoup plus amené à l'écœurement. Et l'écœurement, ce n'est pas un problème. Je le répète, c'est pas un problème d'être écœuré. Le problème, c'est pas d'être écœuré, le problème, c'est d'être déprimé. Quand on est écœuré, il n'y a rien là. C'est écœuré d'être mouillé, ben sortez de la piscine, banal. Mais si vous êtes écœuré d'être dans la piscine, d'être mouillé, puis là, vous vous déprimez, là, vous risquez de vous noyer. Mais l'écœurement, c'est pas un problème. L'écœurement, c'est la force motrice qui va vous permettre de grouiller. Le problème, c'est que, astralement, les religions ont du bon. les sciences aussi, puis les psychologies, puis toutes ces choses-là, ça dit bon. Ça, ça permet à l'humain, qui n'a pas de conscience, donc qui n'a pas d'intelligence, de supporter sa qualité d'ignorant à travers sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y avait des éclairs dans le ciel, c'était des dieux qui pétaient le feu, puis c'était pas dangereux. Puis quand il y a un volcan qui voulait se réveiller, ben là, il fallait faire des sacrifices humains, il fallait envoyer ça aux dieux. Bon, c'était aux dieux. Bon, oui, c'est ça. Mais ça expliquait des choses, ça permettait à l'homme, à la femme et à l'enfant de l'époque de vivre bien. Quand on voyait un fantôme, un ectoplasme ou un truc apparaître dans sa chambre, ben, on avait des idées. C'était soit Dieu qui venait te voir, si c'est le prêtre qui en entendait parler, il disait « c'est le diable qui venait te voir », c'est ton imagination. Tout ce que l'humain a créé est parti de son imagination. Imaginez comment extraordinaire est l'imagination humaine, comment tangible et réel c'est, puis on le dénigrait totalement, son imagination. À un point tel qu'on a des maladies psychosomatiques, on n'a pas de guérison psychosomatique, illégale. Mais la maladie psychosomatique, ça fonctionne, ça. L'heure passe très vite ici, c'est l'espoir. 60 minutes seulement. On fait une pause et puis on poursuit sur 92 après la pause. Thank you.